Chapitre 19e, la lettre anonyme. Si nos lecteurs veulent bien se reporter à la scène orageuse qui avait eu lieu entre Don José et le marquis de Cardal, ils se souviendront que Fernande, en les voyant tous les deux rentrer bras dessus bras dessous, avait senti ses craintes se dissiper. Mais, ainsi qu'il arrive souvent, la réflexion n'avait pas tardé à amener une réaction dans son esprit. Et malgré l'entente parfaite qui semblait exister entre l'oncle et le neveu, ses appréhensions premières lui étaient revenues. Une foule de détails qui, pris isolément, n'avaient aucune signification sérieuse, se présentèrent sous un jour tout autre, lorsqu'elle les eut réunis et rattachés les uns aux autres. D'abord, la longue et inexplicable absence de son mari, puis le retour de cette tristesse d'autrefois, cette signature qu'il lui avait demandée avec tant d'insistance, la veille de l'arrivée du marquis de Cardal, le visage rembruni de ce dernier, lorsqu'elle lui en avait parlé, sa conférence secrète avec le duc aussitôt après, et enfin leur départ précipité pour Paris au moment où elle croyait qu'il ne la quitterait plus. De tous ces faits groupés ensemble, semblait se dégager la vague menace d'un malheur inconnu. Quelque grand que soit un péril, lorsqu'il est prévu, l'esprit s'y fait, car on peut espérer le combattre et le détourner. Mais celui qu'on redoute, sans le définir, celui qui se cache, déconcerte les âmes les mieux trempées. 3 jours après le départ du duc et du marquis, Fernande, assise près du berceau de sa petite Jeanne, était plongée dans la rêverie quand Angèle Maréchal lui apporta une lettre dont la suscription lui parut, au premier aspect, tracée par une main étrangère. Une sorte de pressentiment douloureux la fit hésiter au moment où elle allait la décacheter, puis elle brisa le cachet qui la scellait. « C'est singulier, » dit-elle à Angèle, après avoir jeté un rapide coup d'œil sur la lettre. « Cette écriture ne m'est pas inconnue. Il me semble que ce n'est pas la première fois qu'elle frappe mes regards. »« Voyez la signature, madame la duchesse, » répondit sa dame de compagnie. « De cette façon, vous saurez qui vous a écrit. » Fernande tourna la page. La lettre était signée « Un ami inconnu ».« Une lettre anonyme, » dit-elle. « Peut-être ferais-je bien de n'en pas prendre connaissance. » Déjà, elle se disposait à la déchirer quand Angèle l'arrêta. « Ce n'est peut-être pas une lettre anonyme ordinaire. » « Puisque vous croyez reconnaître l'écriture, » dit-elle, « à votre place, madame la duchesse, je la lirai. » Fernande, se sentant soutenue par l'approbation d'Angèle Maréchal, reprit la lettre et la lut rapidement des yeux. À mesure qu'elle lisait, elle tressaillait et pâlissait. Lorsqu'elle fut arrivée à la fin de sa lecture, son émotion était telle qu'elle ne put prononcer un seul mot. Angèle, qui à son émotion et sa pâleur n'avait pas échappé, lui en demanda la cause. Pour toute réponse, la duchesse lui tendit la lettre d'une main frémissante. Voici ce qu'elle contenait. « Madame, un grand danger vous menace, mais si grand qu'il soit, vous l'éviterez si vous voulez suivre le conseil de l'ami inconnu qui vous adresse cette lettre. Très prochainement, votre mari vous écrira de venir le rejoindre à Paris. Refusez, car tant que vous resterez au château de Cardal, vous serez à l'abri des coups qu'on médite contre votre personne. » Peut-être la main criminelle qui en veut à votre existence essaiera-t-elle alors de vous atteindre dans votre paisible demeure, mais soyez sans crainte, un ami dévoué veillera sur vous. Il m'en coûte beaucoup, madame, de ne point mettre mon nom au bas de ces lignes, mais de graves motifs, que vous connaîtrez peut-être un jour, m'obligent pour le moment à m'envelopper du voile de l'anonyme. Un ami inconnu. Angèle, comme la duchesse, fut vivement impressionnée par la lecture de cette lettre. Malgré elle, elle se sentait envahie par une vague terreur. « Eh bien, » lui demanda Fernande, « que pensez-vous de cet étrange billet ?»« Madame, » répondit Angèle Maréchal, après quelques moments de réflexion, « n'avez-vous pas dit tout à l'heure qu'il vous semblait connaître l'écriture de celui qui vous l'a adressé ?» La duchesse, à son tour, demeura pensive, puis tout à coup, elle courut ouvrir un petit coffret d'ébène, en tira plusieurs lettres, en prit une au hasard et compara les écritures. La lettre qu'elle venait de prendre était celle par laquelle Jean de Clodion lui annonçait la mort de son père. Non, ce n'est pas cela. Et pourtant, si tous les caractères ne se ressemblent pas, il en a quelques-uns qu'on croirait tracés par la même main. Voyez plutôt, ma chère Angèle. La dame de compagnie, à son tour, examina les 2 lettres avec la plus grande attention. Je pense comme vous, madame la duchesse. Ces 2 écritures, quoique dissemblables en apparence, ont cependant quelques points de ressemblance vraiment étranges. Ainsi les D, les G et les B sont les mêmes dans les 2 lettres. On serait porté à penser, n'est-ce pas, que la personne qui m'écrit a voulu déguiser son écriture sans pouvoir y parvenir complètement. Mais alors, madame la duchesse, cette lettre anonyme serait de monsieur le duc? Je ne sais que supposer. Je me perds en conjecture, reprit Fernande. Mais que décider? Que faire? Faut-il suivre le conseil qu'on me donne, ou dois-je, si mon mari le demande, le rejoindre à Paris? Jusqu'à présent, madame, vous n'avez aucune décision à prendre, puisque vous n'avez reçu aucune lettre de monsieur le duc de Clodion, répondit Angèle Maréchal. Attendez qu'il vous écrive, et alors vous réfléchirez à ce qu'il semblera convenable de faire. Vous avez raison, répliqua la duchesse, mais cette lettre m'a bouleversée. Pourquoi est-elle venue? J'avais bien assez de sujets d'inquiétude sans qu'elle m'en apportât un nouveau. Le lendemain, une seconde lettre arrivait, timbrée de Paris. Fernande, en la prenant, reconnut l'écriture de son mari. « Peut-être vais-je connaître le mot de l'énigme » pensa-t-elle en ouvrant la lettre d'une main fiévreuse. Cette lettre ne devait qu'accroître les perplexités de la malheureuse jeune femme. José lui écrivait de venir le retrouver sans aucun retard. « Je suis retenu à Paris par de graves intérêts que je ne pourrais surveiller à Kerdal, lui disait-il. « Et l'hôtel que j'ai fait réparer à votre seule intention, ma bien-aimée Fernande, est prêt à vous recevoir. »« Voici le danger annoncé par la lettre anonyme, » murmura la duchesse avec une sorte d'épouvante en passant la lettre du bâtard à Angèle Maréchal. Angèle, après avoir lu, garda le silence. « Mais cette lettre sans signature, de qui peut-elle être ?» continua Fernande, en proie à la plus vive agitation. « En dehors de ce château, je ne connais personne. Qui donc pourrait s'intéresser à moi ?» Et puis, ces deux écritures, qui sans être les mêmes, offrent pourtant quelques points de ressemblance. C'est à devenir folle. Que décider? Angèle, vous qui avez toute votre raison à vous, conseillez-moi. Dois-je écouter l'avertissement d'un inconnu ou obéir à l'ordre de mon mari? Madame la duchesse, répondit la dame de compagnie, il y a dans mon cœur une voix secrète qui me dit que vous ne devez pas quitter le château de Kerdal. Mais quelle raison donner au duc? C'est bien simple, madame. Votre médecin est l'ami de monsieur le marquis, le vôtre, par conséquent. Priez-le de déclarer que l'heure de Paris serait nuisible à la santé de votre petite Jeanne. C'est une idée, dit Fernande. De cette façon, mon mari n'aura pas à m'accuser de lui avoir désobéi. Le docteur, appelé le jour même au château, se rendit de fort bonne grâce au désir exprimé par la duchesse et libella une ordonnance qui prescrivait de la manière la plus absolue, le séjour de la campagne comme nécessaire à la santé et à l'existence de la fille du duc de Clodion. Le docteur, en prescrivant cette ordonnance, n'avait dit que la vérité, car la petite Jeanne, malgré tous les soins dont on l'entourait, était si délicate, si frêle, que son déplacement de Kerdal aurait pu compromettre gravement sa santé. Munie de cette pièce qu'elle se proposait d'envoyer à son mari, la duchesse respira longuement. Le marquis, pour avoir trop aimé Paris autrefois, l'avait maintenant en aversion. Aussi se hâta-t-il de terminer ce qu'il appelait la liquidation de son neveu. Le chiffre exact qu'il avait des dettes de Don José lui permit de convoquer en bloc tous ses créanciers. Aucun d'eux ne manqua à l'appel. Chacun accourut avec son petit ou son gros mémoire en poche. Sans nul doute, il y aurait eu beaucoup à dire et à redire sur les totaux, et un homme d'affaires aurait pu sans peine obtenir une réduction de 25 ou 30%. Mais le marquis de Kerdal appartenait à cette race, à peu près disparue de nos jours, qui préfère être dupée par des croquants plutôt que de compromettre sa dignité dans des marchandages bourgeois. Il payait donc rubis sur l'ongle les notes plus ou moins fantaisistes des fournisseurs. La lessive qu'il venait de faire lui coûtait la somme de 250 000 francs. Lorsqu'il eut tout terminé, il se frotta les mains, heureux de pouvoir amener à Fernande son mari complètement blanchi. Le digne gentilhomme, au fond, excusez un peu son coquin de neveu. À ses yeux, c'était un jeune sauvage sans expérience qui s'était laissé plumer comme un oison. Un capital énorme s'était fondu, il est vrai, dans ses prodigalités insensées, mais brèche d'argent n'est pas mortelle. Sa nièce était fort riche par elle-même, et elle le serait davantage encore lorsqu'il viendrait à mourir. Tel était le raisonnement que se tenait l'oncle de Fernande. Quant à la rupture du duc avec la créole, il ne la mettait pas en doute. N'avait-il pas la promesse formelle du pêcheur repentant? Les dettes de son neveu payées, le marquis de Kerdal lui annonça qu'ils partiraient ensemble le soir même. « J'ai besoin de 2 ou 3 jours, répondit Don José. « Et pourquoi ? Répliqua le gentilhomme étonné de ce retard. Les liquidations du cœur sont plus difficiles à opérer que celles d'argent. » Repartit le bâtard en souriant. « Ma rupture est un fait accompli, mais dois-je encore l'accompagner de certaines formes ?»« De mon temps, ce n'était pas l'usage, mon neveu. Quand on avait rompu, tout était dit. Cette méthode était la bonne, mais tout va en dégénérant. Soit, puisqu'il vous faut quelques jours, je vous les accorde, quoique j'eusse préféré m'en retourner immédiatement à mon château. » Cette réponse ne laissa pas que d'embarrasser fort Don José. Il désirait avant tout que le marquis partît et le marquis allait rester. « Mon cher oncle, qui vous force à demeurer à Paris ? Pardieu, ce n'est pas pour mon plaisir que j'ajourne mon départ. C'est à cause de ce sursis que je vous ai demandé, sans doute. Qu'à cela ne tienne, prenez les devants et sous 3 jours je vous rejoindrai auprès de Fernande. » Toutes réflexions faites, nous sommes venus ensemble et nous partirons de même. « Je vous ai promis de rompre avec cette femme. Sans doute, interrompit le marquis. Mais cette drôlesse, on la poignée solide, et quand elle vous tienne, mon oncle. » Interrompit à son tour le bâtard d'un ton bref. « Quand un Claudio donne sa parole, il la tient. »« Soit, je partirai seul, » répliqua le gentilhomme breton, qui ne voulait pas, en insistant davantage, blesser les légitimes susceptibilités de son neveu. 2 heures plus tard, il bouclait sa valise, puis se rendait au chemin de fer et prenait le premier train qui se dirigeait sur Bâle. Arrivé à son château, il trouva Fernande, dont la physionomie, ordinairement si calme, portait la trace de ses récentes inquiétudes. « Vous avez laissé le duc à Paris ? » lui demanda-t-elle vivement. « Il sera de retour d'ici 3 jours, » répondit le marquis. « Je crois que vous vous trompez, » repartit la duchesse. « Mon mari n'a pas l'intention de revenir aussitôt que vous le supposez. » « Que me comptes-tu là, mon enfant ? J'ai sa parole, et je te répète que tu le verras après-demain, » répliqua son oncle. Pour toute réponse, Fernande lui remit la lettre par laquelle Don José lui enjoignait l'ordre de le rejoindre à Paris. À mesure que le marquis de Cardal lisait, le rouge de la colère lui montait au visage. « Ce n'est pas tout, » ajouta sa nièce. « Pendant votre absence, j'ai reçu une lettre anonyme qui m'a vivement impressionné. » « Une lettre anonyme, quelque infamie sans doute ?» « Vous en jugerez par vous-même, mon cher oncle. » Elle alla prendre la lettre et la lui montra. De rouge qu'il était, le marquis, pendant qu'il lisait, devenait affreusement pâle. Lorsqu'il eut achevé de lire, il plia la lettre et la mit dans sa poche. « Qu'as-tu répondu à ton mari ? » demanda-t-il brusquement à la duchesse. « J'ai refusé d'aller à Paris, » répondit-elle. « Bien, très bien. Tu as du caractère, mon enfant. Cela te sera utile un jour ou l'autre. » « Qu'entendez-vous par ces paroles, mon oncle ? » répliqua Fernande. « Plus tard, si la chose devient nécessaire, je m'expliquerai, » dit le marquis de Cardal. Puis, sans ajouter une parole de plus, il se retira dans son appartement. Le lendemain, pendant son déjeuner, le facteur apporta avec les journaux 2 lettres timbrées de Paris. L'une était la réponse de José au refus de sa femme. Tout à l'heure, nous dirons de qui était l'autre et ce qu'elle contenait. Le bâtard de Claudio avait formellement promis au marquis de le rejoindre sous 3 jours à Cardal, mais d'un autre côté, il s'était engagé vis-à-vis de Carmela à faire venir la duchesse à Paris. Il se trouvait donc dans l'absolue nécessité de fausser sa parole à l'un ou à l'autre. À coup sûr, il aurait donné tout au monde pour être libre de sa volonté, mais le choix ne lui était pas permis. En manquant de parole, le marquis s'était, il est vrai, se brouillé avec lui, mais en ne tenant point sa promesse faite à la créole, c'était se perdre sans retour. Placé entre ces 2 perplexités, il avait choisi la moindre. C'était pour ce motif qu'il avait joué, près du gentilhomme breton, la comédie de l'homme blessé dans sa dignité, et cette comédie avait eu un plein succès puisque le trop crédule marquis s'était décidé à s'en retourner seul auprès de la duchesse. Don José, dans sa réponse à Fernande, insistait pour qu'elle vînt le rejoindre, si elle ne voulait pas qu'il allât la chercher lui-même, la menaçant, en termes voilés, de recourir à des moyens légaux si elle persistait dans son refus. « Cette lettre est tout simplement une infamie !» s'écria le marquis de Cardal en la froissant avec indignation. « Mon cher oncle, calmez-vous, je vous en conjure !» dit la jeune femme. « Peut-être que les intérêts de mon mari exigent qu'il demeure à Paris, et dans ce cas, ses intérêts !»« Laissez-moi tranquille, pauvre innocente !» interrompit brusquement le vieux gentilhomme. « Il s'agit bien de cela, ma foi. »« Mais de quoi s'agit-il alors ?» répliqua la duchesse. Le marquis, emporté par la colère, lui révéla, et sans réticence aucune, toute la vérité. La dilapidation de la fortune de son mari toucha peu Fernande. Mais lorsqu'elle apprit sa trahison, son cœur fut profondément atteint. Ce qu'elle éprouvait, ce n'était pas un sentiment de jalousie, mais son légitime orgueil se révoltait à la pensée de se voir sacrifiée à une indigne rivale. Elle n'avait jamais aimé José d'amour, et l'on se souvient de ses hésitations et de ses luttes douloureuses au moment de son mariage. Toutefois, elle avait courageusement combattu ses répulsions instinctives, et une fois sa femme, à défaut de cet amour espéré et qui n'était pas venu, elle avait eu pour son mari tous les empressements et toutes les tendresses de l'épouse affectueuse et dévouée. Elle lui avait généreusement fait le sacrifice du bonheur de sa vie, et c'est ainsi qu'il la récompensait. Lorsque le marquis eut achevé ses tristes confidences, la duchesse releva énergiquement sa belle tête pâlie. « Mon oncle, je suis mère, et dans l'intérêt de mon enfant, je vous aiderai à arracher le duc des mains de cette misérable femme. « Oui, nous lutterons ensemble, ma chère fille, » répondit le gentilhomme breton, « et c'est bien le diable, si à nous deux, nous ne parvenons pas à ramener la brebis égarée à son bercail. » Mais peut-être cette Carmela l'aime-t-elle? Alors, elle nous le disputera pied à pied. Allons donc! Est-ce que ces créatures-là savent ce que c'est que l'amour? Candide comme tu l'es, ma chère Fernande, tu ne soupçonnes pas ce qu'elles sont. Je vais te l'apprendre. Elles n'ont ni cœur, ni âme, ce sont de véritables vampires qui, au lieu de sang, boivent l'or de leurs victimes. Mais quel filtre possède-t-elle donc pour exercer un tel empire sur les hommes? Demanda la duchesse avec étonnement. « Le vice, mon enfant, a sa fascination. Tu ne comprends pas cela et tu ne le comprendras jamais. Mais le bon droit est de notre côté. Laisse-moi faire et je tirerai ton mari des griffes de cet abominable créole. »« Je m'en remets complètement à vous, mon oncle, » répondit Fernande, « et vous pouvez compter sur moi. L'avenir de ma fille est en péril et je ne reculerai devant rien pour le préserver de toute atteinte. » Pendant que la jeune mère parlait ainsi, les regards du marquis venaient de s'arrêter par hasard sur la seconde lettre qui était demeurée sur la table. « Voyons ce que nous veut cette lettre, » fit-il en la prenant. « Mais je reconnais l'écriture, » dit la duchesse qui s'était approchée. « C'est celle de cet inconnu qui m'a écrit il y a quelques jours. » Le marquis de Kerdal fit sauter le cachet et voici ce qu'il lut. « Vous avez suivi les conseils de votre ami anonyme, vous avez refusé de vous rendre à Paris et vous avez été bien inspiré en ayant confiance en moi. « Désormais, vous n'aurez plus rien à redouter, je veille sur vous. Sous peu de jours, celui qui ne signe pas cette seconde lettre se fera connaître. Il se présentera devant vous sous le nom de Sir Johann Astley. »« Sir Johann Astley, » dit le marquis, « mais j'ai beaucoup entendu parler de cet étranger lors de mon dernier voyage à Paris. »« Ah, » fit la duchesse, « il paraît que c'est un anglo-indien, jeune encore, au teint de brique, à la chevelure noire et crépée qui aurait découvert au fond des montagnes rocheuses 7 ou 8 millions de pépites d'or. » Fernande écoutait et ses regards exprimaient une grande surprise. « Ce que vous venez de raconter est si étrange, si extraordinaire, dit-elle, que je ne sais plus que penser. Comprenez-vous quelque chose, mon cher oncle, à l'intérêt mystérieux que m'apporte cet homme qui arrive du fond de l'Amérique ?»« Ma foi, non, » répliqua le gentilhomme, qui partageait l'étonnement de la duchesse, mais nous ne tarderons pas à le savoir, puisqu'il t'annonce sa visite. » Le duc, Jean de Clodion, tout en veillant aux intérêts et à la sûreté de Fernande, n'avait pas oublié qu'il s'était engagé à découvrir Maresco et à le livrer au chef indien. Mais où se cachait ce misérable? Dans quel bas-fond l'allait chercher? Selon toute apparence, l'assassin de son père devait être à Paris, ce refuge habituel des parias de toutes les nations. Pour le trouver, il lui fallait s'adjoindre à un de ces hommes dont l'humble vie se passe à lutter contre les ennemis de la société. Certes, le jeune duc était assez riche pour soudoyer tous les policiers de la capitale, mais il était étranger et il ignorait à quelle porte il devait frapper pour se procurer l'homme qui lui était indispensable. Dans cette perplexité, il avait recouru à son ami le docteur Cavarox. « Sous 3 jours, j'aurai votre affaire, » lui avait répondu l'illustre savant. Cavarox, grâce à ses nombreuses relations, fut bientôt mis sur la piste d'un agent actif, intelligent et sûr. Cet agent était celui que le directeur de la Sûreté publique avait chargé de faire une enquête sur Madame Carmela de San Luco, Léonce de Folfeuille, cet original qui vivait de la police et cultivait les muses pendant ses heures de loisirs. Il demeurait rue de l'Éperon. « Si vous voulez mettre la main sur lui, » avait-on dit au docteur, « il faut le prendre au gîte. » Muni de ces renseignements, Cabaroc se transporta rue de l'Éperon. La maison devant laquelle il s'arrêta était une de ces vieilles constructions noires du vieux Paris que l'énilité parisienne n'est pas encore parvenue à soumettre à la loi du badigeon. Le célèbre praticien cherche à la loge du concierge, mais il en fut pour ses recherches. L'immeuble dans lequel perchait Folfeuille n'en possédait pas. Une grosse corde qui descendait du cinquième étage se déroulait comme un fil d'Ariane pour guider les personnes qui avaient affaire dans la maison. Léonce de Folfeuille était occupé à mettre une côtelette sur le grill lorsqu'un coup de sonnette lui annonça l'arrivée d'un visiteur. « Qui peut venir me relancer chez moi à 7 heures du matin ?» se demanda-t-il. Il ouvrit et se trouva devant le savant docteur qu'il voyait pour la première fois. « Voici une lettre qui vous apprendra qui je suis, » lui dit Cabarrux. Le poète policier ouvrit le pli et courut à la signature. « Une lettre du chef de la police municipale, » fit-il en saluant avec déférence le porteur de la recommandation. Puis il lut avec attention. « C'est vous, monsieur, qui réclamez mon concours ?» dit-il au docteur, après avoir achevé la lecture de la lettre. « Je ne suis que l'intermédiaire de la personne qui désire recourir à vos bons offices, » répondit Cabarrux. « Ah ! Et pouvez-vous m'apprendre le nom de cette personne, ou tout au moins ce qu'elle attend de moi ? Je ferai mieux. J'ai une voiture en bas, et si vous le voulez bien, je vous conduirai auprès de la personne en question. » « C'est que, » dit Folfeuille, en jetant un regard encoulé sur son grill. « Vous n'avez pas déjeuné ?» lui demanda l'illustre savant qui avait suivi ce regard. « Vous avez deviné, » répondit le policier avec un sourire bonhomme. « Ni moi non plus, » reprit Cabarrux. « Je vais entrer dans le premier café venu. Pendant que vous déjeunerez, j'en ferai autant de mon côté et je reviendrai vous prendre dans 1 heure. »« Entendu, » repartit Léonce de Folfeuille. 1 heure plus tard, il montait dans la voiture du docteur qui dit au cocher « Au grand hôtel !»« La personne de laquelle vous me conduisez est un étranger ?» demanda l'agent. « C'est un Anglais immensément riche. Il se nomme Sir Johan Astley. »« Connu, » fit Folfeuille. « Vous le connaissez ?» dit Cabarrux. « Tout Paris connaît l'homme aux 7 millions, » répondit le policier en laissant exhaler un soupir. « Pourquoi soupirez-vous ? » répliqua le célèbre praticien. « C'est que je songe à mon rêve. »« Ah, vous caressez un rêve. Y aurait-il de l'indiscrétion à vous demander en quoi il consiste ?» Le policier soupira de nouveau, et sa physionomie prit une expression élégiaque. « Il n'y a aucune indiscrétion, » répondit-il. « Voyez-vous, monsieur, je n'étais pas né pour le métier que j'exerce. La nature, en me créant, m'a donné l'âme d'un poète. » Le docteur examina avec attention son singulier interlocuteur. Il crut un moment avoir affaire à un fou. « C'est pour assurer mon pain quotidien que je fais de la police, » poursuivit Léonce. « Mais le jour, si jamais il arrive, ou par un coup du sort ou de la providence, je n'aurai plus à songer aux besoins matériels de mon existence, je renoncerai avec joie à ma profession, et je me consacrerai tout entier au culte des muses. C'est ma toccade, ou pour m'exprimer dans un langage moins vulgaire, c'est mon rêve. Une petite villa, ombragée de lilas, située dans les environs de Paris, avec cette modeste retraite, 1 800 francs de rente, voilà mon ambition. « Mon cher monsieur, » repartit Cabarrux, « le personnage que vous allez voir est aussi généreux que riche. Et si vous lui rendez le service qu'il attend de vous, il se fera une véritable joie de satisfaire vos modestes désirs. » Le poète policier, à ces mots, ne put réprimer un tressaillement. « Quelque difficile que soit l'affaire dont votre ami me chargera, » répondit-il, « je l'amènerai à bonne fin, je vous le certifie. » Sir Johan Astley, prévenu par le docteur, attendait Léonce de Folfeuille. « Voici ce dont il s'agit, » dit-il lorsque Cabarrux, après lui avoir présenté l'agent, se fut retiré. L'homme que vous aurez à rechercher s'appelait autrefois Maresco et se disait capitaine, quoiqu'il n'eût jamais été soldat. Il a successivement habité la Californie et la petite ville de San Antonio au Mexique. Dans ces derniers temps, il était prisonnier dans une tribu Comanche et il est parvenu à s'évader en enlevant la fille du chef de cette peuplade sauvage. « C'est un vrai roman que tout ceci, Milord, » répondit Léonce de Folfeuille. « J'ai tout lieu de supposer, » continua Sir Johan, qu'il est revenu en France, son pays, pour des motifs qu'il serait superflu de vous expliquer et qu'il se cache à Paris. Pourriez-vous me donner son signalement, Milord ? Il est âgé de 28 à 30 ans et de haute taille. Il a les cheveux noirs, les yeux bleus et le teint brun. C'est un peu le portrait de tout le monde. Votre seigneurie lui connaît-elle quelques signes particuliers ? Je ne lui en connais pas. Quoi qu'il en soit, j'ai un indice qui sans doute me mettra sous la trace de ce Maresco. Cette jeune fille qu'il a enlevée doit être une squaw indienne, une femme de la race rouge. » Sir Johan Astley fit un mouvement de tête affirmatif. « Cela me suffit, » dit le policier, « Par elle, j'arriverai au capitaine Maresco. Maintenant, j'ai à vous charger d'une autre mission, mais celle-là est moins difficile que l'autre. Je vous écoute, Milord. Il y a à Paris une créole qui habite un hôtel dans les Champs-Élysées. Votre seigneurie voudra-t-elle parler d'une madame de San Luco? Vous la connaissez? Fit Sir Johan surpris. Je me suis occupé d'elle tout dernièrement, Milord, à l'occasion d'un fils de grande famille qu'elle a ruiné. Ne s'agissait-il pas du duc de Clodion? Précisément, Milord. Eh bien, je voudrais que vous ayez les yeux ouverts sur elle et sur un certain vicomte de Livran. Son amant de cœur, je le connais aussi. Si vous aperceviez quelque chose de louche dans leur fait et geste, vous m'en donneriez avis, ou en mon absence, au docteur Cavarox. Je n'y manquerai pas, Milord. Le docteur, continuant en souriant sur Johan Astley, m'a glissé tout à l'heure à l'oreille quel était l'objet de vos désirs. Une maisonnette, un petit jardin. Il ne tiendra qu'à bout que ce rêve devienne une réalité. Milord, s'écria Léonce de Folfeuille avec un enthousiasme lyrique. À partir de ce moment, je vous appartiens des pieds à la tête, et je vais me mettre sur le champ en campagne.